Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Marion, qui nous apporte son témoignage de l'épuisement appelé plus communément le burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Marion. Bonjour Catherine. Marion, je vais te laisser te présenter. Eh bien donc, je suis Marion, j'ai 45 ans. Et voilà, j'ai deux enfants de 14 et 12 ans. Je suis mariée aussi, voilà. J'habitais à Épinal. Voilà, alors la question, la première question, ce serait de savoir ce burn-out ou cet épuisement, le premier jour, J. Comment pourrais-tu le décrire ? Alors, le premier jour J, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de jours qui ont été un peu une descente aux enfers, mais vraiment le premier jour officiel, ça a été mon premier jour d'arrêt de travail. Où, bon, je l'ai senti hein, dans les semaines avant, où j'ai quelque part presque préparé mon départ, comme on pourrait préparer un peu sa mort, à quitter un monde, donc à quitter mon bureau, à quitter mes fonctions. Dans ma tête, il y avait quelque chose de cet ordre-là, où j'ai préparé mes dossiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis quand j'ai été prête, j'ai été voir mes médecins, et là, quand elle m'a vue, bah là, il y a eu... Enfin, déjà, elle a pris ma tension, elle m'a... Je suis sculptée, et puis là, ça a été sans appel. Elle m'a dit, mais c'est... En fait, je ne lui demandais pas qu'elle m'arrête, parce que moi, j'y allais juste parce que j'étais inquiète de l'état dans lequel j'étais, mais elle, ça a été sans appel. Elle m'a dit, de toute façon, vous ne ressortez pas de mon bureau, de mon cabinet, comme ça, je vous arrête. Donc, ça a été, voilà, le jour J, comme ça. Donc, je ne suis pas tombée, mais en fait, j'étais déjà plus là, au moins, en fait. Oui, c'est-à-dire, tu l'as vécu comment, en quelque sorte, si tu pouvais dire... Comment tu as vécu je reprendrai un peu le mot que tu as dit, cette descente aux enfers, en quelque sorte. En fait, je pense que petit à petit, je suis sortie un peu de mon corps, je suis sortie de ma tête, mais ça s'est fait presque sur 2 ans, quoi. Donc, enfin, même voire plus, mais en tout cas, 2 ans symptomatiques où vraiment j'avais des choses très fortes qui s'installaient. Des pertes de mémoire, des cauchemars, des insomnies, du somnambulisme, enfin plein de choses qui fait que je me sentais un peu en danger petit à petit, quoi. Donc, enfin bon. Ce qui serait intéressant de savoir dans ces circonstances, c'est quelle a été après ton arrêt de travail, donc, quelle a été la première réaction de ton entourage personnel ? Un soulagement. Ah, d'accord. Parce que mon mari s'inquiétait très fortement. Il me voyait dépérir, ne plus être en capacité d'écouter, de parler. Et il me voyait épuisé, mais a toujours continué. Et il levait les bras, il criait « Marion, attention, Marion, t'as vu dans quel état ?» Ça faisait 6 mois qu'il me disait d'aller voir un médecin, mais bah non, moi, tant que je tiens, quoi. Donc, oui, il a été soulagé, vraiment. Mes enfants, je pense qu'ils n'ont pas tout compris. Moi, à l'époque, ils avaient 9 et 11 ans. Je pense qu'ils n'ont pas tout saisi sur le coup. Ils se sont dit, bon, il faut que maman se repose. C'est après, dans la suite, où voilà, ça a amené plus de questions, plus de prise de conscience. Mais bon, voilà. Et puis sinon, mes parents, enfin, tous mes amis qui me voyaient aussi dépérir, pour eux, ça a été un soulagement que je m'arrête, quoi. Et alors, dans l'entourage professionnel, parce que ça, c'est intéressant de savoir quelle a été la première réaction. De la compréhension, vraiment, de la protection, de me déculpabiliser. En fait, c'est assez... Donc moi, je travaillais dans le milieu socioculturel. C'est un milieu quand même qui reste à l'écoute, qui est assez dans la collaboration, la coopération même. Donc on est dans l'entraide. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été peut-être si loin. C'est parce que je voulais pas abandonner des gens, je voulais pas mettre des gens en difficulté. J'avais un devoir moral. Et ces gens-là me l'ont rendu aussi, parce que quand je me suis arrêtée, ils ont dit, mais non, mais t'inquiète pas, on va gérer, on va s'en occuper, surtout prends le temps qu'il faut pour te reposer, c'est normal, de toute façon, t'as vu dans quel état t'étais, enfin bon, voilà. Et puis là, premier arrêt de travail et ensuite. Alors, il y a eu un premier arrêt, et puis j'ai vu que, en fait, ce premier arrêt, ça a été un arrêt sur image où là, je me suis vue dans le miroir, comme une mort vivante, vraiment. Et là, c'était très dur. Ça a été vraiment. Oui, c'est une prise de conscience qui est. Quand tu te vois dans la glace et que. Enfin, tu vis plus, ça c'est. Ça a été mortel, quoi. Hein. De plus sentir la vie en soi, de. Je pense que le terme burn-out, il est pas mal parce que c'est, il y a quelque chose de brûlé, de grillé. Moi, je me voyais vraiment calciné, quoi. Vraiment en cendres, mais où il n'y avait plus rien qui palpitait, quoi. C'est très important de relever ce que tu viens de dire avec beaucoup d'émotion. C'est cette souffrance, je dirais, invisible. Parce que c'est une très grande souffrance. Tu le redis actuellement, il y a combien d'années que ça t'est arrivé? C'était il y a 3 ans. 3 ans. Tu le redis encore avec autant d'émotion. Ça te reprend le ventre, les tripes. C'est donc ce qui est important vraiment de souligner. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est sous un couvert, je dirais, d'agitation, parce que c'est quand même ça, le burn-out. On est agité, on est stressé, on est sous stress constant. Et on est dans un état, je dirais, qui est visible, palpable. Mais d'un autre côté, la souffrance réelle que la personne individuelle a elle-même, ce que tu as visualisé en disant quand je me suis regardée dans la glace. Ce jour-là, tu es sorti du déni. Du déni de dire, jusque-là, tu disais, je vais, j'irai, j'y arriverai, hein, machin. Et à un moment donné, tu as dit, non, je suis épuisée. Et quand tu t'es regardée dans la glace, c'est un aveu que tu t'es fait. Et cet aveu, c'est une grande douleur. Parce que se voir soi-même diminuer en termes de capacité, je dirais physique, mentale, enfin toute, c'est une très grande douleur. C'est quelque chose de violent, de très violent. Et ça, je comprends qu'effectivement. Et après, alors, je pense qu'il y a eu des arrêts sur arrêts sur arrêts. Ça a duré combien de temps? J'étais en arrêt reconduit pendant 6 mois et après j'ai été en mi-temps thérapeutique à nouveau pendant 6 mois avant de reprendre mais sur un autre poste. Et voilà donc. Mais même quand j'ai repris sur un autre poste, ça a été encore très long. Enfin, encore aujourd'hui, 3 ans après, je sens encore une fragilité, une fatigue, une vulnérabilité. Enfin, qu'il soit émotionnel, physique, mais surtout mental, en fait. Merci Marion, nous allons faire une petite pause musicale avec la pianiste belge Auriel avec le morceau Terre et Racines. Thank you. Et maintenant, nous retrouvons Marion. Justement, par rapport à ces fragilités, les années que tu as vécues avant le jour J, en quelque sorte, où, comme tu l'as si bien décrit, tu t'es regardé dans la glace et tu as dit, bon, voilà, ok, je suis au bout du rôle, en gros, hein, c'était un peu ça en résumé. Si on parle des troubles, je dirais, en termes de prévention, en termes de sensibilisation, quels sont les troubles qui t'ont le plus marqué? Parce que chez chaque personne, c'est différent. Hein. Donc, dans les changements de comportement, donc il y a ce qu'on a décrit, nous, dans la brochure, c'est les replis sur soi, l'isolement incompris par l'entourage, les attitudes impersonnelles détachées, négatives et cyniques, les comportements agressifs ou les comportements addictifs, qui peuvent être multiples. Moi, j'ai pas eu vraiment ces symptômes-là. C'était vraiment... mental plutôt, émotionnel aussi, beaucoup une très grande tristesse, beaucoup de chagrin sur plein de choses, un épuisement aussi. Et puis bon, de pas pouvoir écouter en fait, à plein de moments, de me dire ben voilà, j'entends plus, j'écoute plus, les gens me parlent, mais. Ça me passait au-dessus, quoi. Oui, justement. Dans d'autres symptômes, il y a aussi le changement dans la motivation. Est-ce qu'il y avait eu une baisse de la motivation professionnelle ou des doutes sur tes propres compétences ou une perte de satisfaction personnelle de ce qu'on accomplit? Oui, bon, il y avait tout ça et même un an avant. Et du coup, j'avais envoyé ma lettre de démission. En fait, je voulais quitter mon poste parce que je sentais que j'avais un épuisement, que j'avais plus la motivation et que j'avais plus l'attention nécessaire pour prendre soin des gens. Bon, j'étais en situation de direction d'une équipe. Et pour être en situation de direction, il faut être en situation de maîtrise de soi, de ressources, d'attention permanente. Et je sentais bien que ce n'était plus mon cas. Et du coup, je me sentais plus à l'aise, plus en responsabilité, du coup. Et j'avais demandé à mon employeur, j'avais écrit ma lettre un an avant pour pouvoir changer de poste, partir. Voilà, l'employeur avait compris, sauf qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils ont mis un an à me remplacer, en fait. Et ça a été vraiment l'année de trop, quoi. Et dans ce qui s'agit des troubles cognitifs, on parle de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention, de la difficulté à se concentrer et de l'incapacité à mener à bien des missions qui nous sont confiées. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah ça, complètement. Hein. La question de la mémoire, la concentration, évidemment. Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'est encore présent aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression que vraiment que je patine, que c'est comme si, dans ma tête, il y avait plein de conducteurs qui avaient grillé, comme ça avait disjoncté, donc c'est grillé et le courant ne passe plus, donc c'est plus irrigué, donc souvent encore aujourd'hui quand je recherche une information dans ma tête ou j'essaye de conduire un raisonnement, et ben hop, ça marche pas, c'est, je suis dans un labyrinthe où je trouve pas la sortie, je trouve pas la connexion, donc bon, je me réinvente d'autres chemins, je pense que ça fait partie de la reconstruction, mais c'est beaucoup plus laborieux, c'est moins automatique que ça l'était avant, ou avant, je me sentais en pleine potentialité, en puissance intellectuelle, et puis tout ça, c'est comme si la centrale mentale avait complètement disjoncté, grillé, quoi. Oui, ça, c'est un des symptômes, avec les témoignages qu'on a eus précédents, qui ont toujours été soulevés, c'est-à-dire la difficulté de la concentration et la difficulté de la mémoire. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont ce qu'on appelle une mémoire de 5 minutes. C'est-à-dire que s'ils n'écrivent pas, ils ne mémorisent plus. Donc, et puis d'autres disent qu'effectivement, ils n'ont jamais retrouvé. Et d'autres disent, c'est un peu effectivement un disjoncte, donc il y a un câble qui a grillé, ça c'est sûr. Maintenant, si on regarde bien la concentration et l'attention, ça fait partie d'un muscle qui a quand même une capacité de résilience. Maintenant, elle a une capacité de résilience sur le long terme. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une jambe cassée. et puis qu'on doit faire de la rééducation. Donc la concentration, effectivement, demande une certaine rééducation. C'est-à-dire par des activités, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit des promenades en forêt, que ce soit... enfin, bref, des activités qui vraiment recentrent la personne. Mais c'est effectivement très, très, très long. Mmh. Et puis c'est difficile à vivre parce qu'on se souvient de comment on était avant quand même. Ah oui, c'est ça. Oui, moi, je ne suis plus la même personne, c'est sûr. Mmh. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai aussi gagné beaucoup de choses. Mais... Mmh. Justement, dans les troubles physiques, je ne sais pas, pendant ces moments-là, si tu as eu des manifestations somatiques. Alors, on parle de douleurs abdominales, de douleurs musculaires, aux articulations, en particulier les douleurs dorsales, des ulcères, des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires, ou bien une réduction des défenses immunitaires, ou en tout cas une modification biochimique découlant du stress chronique, c'est-à-dire avec un taux de cortisol assez élevé dans la journée, enfin... Des troubles physiques. Oui, bah si, là, il y en avait plein. Enfin, j'avais les mâchoires serrées, mais en permanence, dans un étau. Des tremblements aussi des mains, des membres. Et puis, oui, enfin, des aigreurs d'estomac. Ou... Il y a même un moment, je me souviens, j'avais été voir un médecin parce que j'arrivais plus à déglutir. Et je me demandais si j'avais pas un kyste dans la gorge, quelque chose, enfin vraiment quelque chose de physiologique, quoi, parce que j'arrivais plus à avaler, quoi. J'étais tellement nouée que voilà. Puis après, bon, moi, les plus gros troubles, c'était vraiment sur le sommeil, où je sortais pas, j'étais dans une machine infernale dans mon sommeil. Ou à me lever la nuit en somnambule pour aller préparer une réunion, des dossiers, vraiment, ouais, un stress, une angoisse. Puis beaucoup de cauchemars aussi, où j'étais enterrée vivante, où je sautais par la fenêtre, enfin plein de choses vraiment pas cool, quoi. Mmh. Qui fait qu'on se réveille, on est assez glauque. Je pense qu'effectivement... Ce que tu soulignes est quand même très important parce que c'est le stress chronique, qu'on appelle avec un gros mot le burn-out, hein, on va dire ça comme ça, ou un grand mot, je ne sais pas comment le décrire, l'épuisement, c'est avant tout, le stress chronique, c'est avant tout un dérèglement hormonal. Donc, à partir du moment où il y a un dérèglement hormonal, il y a beaucoup de choses physiques qui sont, changées, en gros, et entre autres dans le sommeil. C'est un des points le plus crucial parce que comme on ne peut plus récupérer, eh ben on est de plus en plus épuisé. Puis plus on est épuisé, on dort. Moins on dort, plus on est épuisé. Donc c'est un cercle vicieux assez violent, effectivement. Et dans les troubles psychiques, alors il y a ce qu'on appelle l'anxiété intense, l'agitation anxieuse. Ce que tu as un petit peu évoqué avant, c'est-à-dire le flux de parole, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus, on comble par des paroles... les paroles des autres, en gros. La sensation d'être submergé par le travail ou la vie et le sentiment surtout de se sentir piégé. Ah bah oui, oui, là, le piège, c'est sûr. Enfin, être submergé ou être angoissé ou avoir peur de tout, en fait. Même d'un tout petite chose. Tout devient source d'angoisse, de peur. Le monde égale danger, quoi. Et puis la sensation de piège, oui. Puis moi, en l'occurrence, je voulais partir de mon poste et puis je restais là. Mais c'est aussi parce que je n'avais pas envie d'abandonner l'équipe à elle-même sans direction et je ne voulais pas les laisser comme ça. Et je leur avais fait un peu la promesse que je ne partirais pas sans attendre un remplaçant. Mais oui, je me suis un peu piégée, moralement aussi, quoi. Et j'étais piégée aussi par mon employeur qui n'a pas activé les choses suffisamment rapidement. Bon, et puis je pense qu'au-delà de ma situation, j'étais piégée aussi par le système dans lequel, j'essayais d'œuvrer. J'étais sur le poste là pendant 10 ans, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais c'était un poste compliqué parce qu'on est entre la violence institutionnelle, la violence sociale. Merci beaucoup Marion. Nous allons de nouveau refaire une petite pause musicale avec la pianiste Ari Auriel et le morceau qui s'intitule « Et si seulement ». Laetitia moi. Nous retrouvons Marion après ce petit moment de pause musicale. Alors, nous parlions des troubles psychiques et entre autres de ce sentiment de se sentir piégé. Et il y a aussi l'irritabilité et la chute de l'estime de soi. Ah bah oui, plus confiance en soi, plus confiance en la vie, plus confiance en... Oui, alors l'estime de soi, oui, c'est sûr que là, bah quand on perd... Enfin, quand on est arrêté, alors il y avait l'estime de soi avant déjà, où on est en mode automatique, parce qu'il faut survivre, il faut tenir. Moi, c'était vraiment ça, donc comment tenir? Donc quand tu tiens, eh ben, tu verrouilles tout le reste, tu fais taire tout ce qui émerge en toi. Donc t'es sur un pilote automatique pour tenir jusqu'au moment où ben, le pilote automatique lui-même, il déclare forfait. Et là, ben, tout s'écroule et en fait, il n'y a plus rien parce qu'il faut se ramener. Enfin, il faut renaître de ses cendres un peu, et donc là, il faut se reconstruire, mais on est complètement en miettes, quoi. Enfin, moi, ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, c'est... Justement, là, on peut parler peut-être du après. Parce qu'alors, tu as repris, là, on pourrait parler de cette période où tu as repris. Eh bien, avant de reprendre déjà ce qui m'a... Je me suis fait accompagner. Hein, je pense que toute seule, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, accompagnée par mon médecin aussi. J'ai vu un médecin aussi qui a fait une analyse d'urine. Parce que dans l'urine, on peut évaluer les neurotransmetteurs aussi. Donc, le niveau de mes différents neurotransmetteurs. Et où il a pu voir là où j'étais en carence. Parce que ce que tu disais tout à l'heure... Ça a des effets hormonaux, donc c'est un cercle vicieux. Donc le psychique tape sur le physiologique empêche le psychique de se remettre. Enfin, bon, au bout d'un moment, enfin, quand il faut se retaper, ben, faut prendre soin de tout, quoi, du corps. Donc je fais du yoga chaque matin depuis, des petits temps de méditation, de la marche, beaucoup marché, énormément, parce que c'était le seul moment où... je pouvais pleurer, hurler, crier, verser mon désespoir, quoi. Donc, marcher en forêt, avec la nature pour apaiser un peu le volcan, mais c'est même pas un volcan parce qu'il y avait pas. En fait, on passe par plein de phases, quoi, des phases de colère, mais moi c'était beaucoup de tristesse, quoi, hein. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de désespoir. Donc, reprendre goût à la vie, ça prend du temps, quoi. Et je me suis fait accompagner par une psychothérapeute pendant plus d'un an, qui a utilisé aussi l'EMDR. C'est voilà, une sorte aussi d'hypnose pour essayer de dissocier les choses en moi aussi, de mes états émotionnels qui prenaient le dessus, et puis d'essayer de comprendre aussi... de réactiver, de relier mon cerveau gauche, mon cerveau droit, parce que entre mes émotions, le mental, enfin c'était le vrai caillon, quoi. Donc ça m'a sauvé la vie, c'est sûr, quoi. Puis après, ben, le soutien des amis, de ma famille, l'amour autour de moi a aussi été bénéfique, quoi. Mais prendre du temps pour soi, mais ça c'est... Bah, on dit tout le temps, prends soin de toi, nana, maintenant, repousse-toi, prends soin de toi. Oui, c'est difficile, ça s'apprend, ça passe beaucoup par de la culpabilité, par du lâcher-prise. Et puis, c'est. Enfin, moi, c'est un long apprentissage pour moi, quoi. Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose de. Enfin, moi, je l'avais traduit comme ça dans le livre que j'ai écrit, la maltraitance éducationnelle. Quelque part, on va pas rentrer peut-être dans des... Enfin, ça dépend si tu as envie de rentrer dans ce sujet, mais dans le côté, le système économique qui est quand même là pour exploiter, on va dire, une manne joyeuse qui est bien éduquée à être le meilleur des meilleurs, en gros. Donc, effectivement, on est habitué, on est éduqué à ne pas être bienveillant avec soi. Complètement. C'est ça. Et ce genre d'accident, en fait, c'est apprendre à être bienveillant avec soi. ne pas être parfait aussi. Enfin, moi, il a fallu. Enfin, en fait, c'est comme si ce burn-out m'avait aidé à faire le deuil de plein de choses, hein, de vouloir être perfectionniste, de vouloir sauver le monde. Donc là, en fait, ben oui, là, je pouvais plus sauver rien du tout. Ça m'a libérée, hein, de plein de peurs, hein, parce qu'avant, j'avais peur de ceci, peur de divorcer, peur de perdre mon enfant, peur de plein de choses. Et là, en fait, j'ai eu tellement peur de mourir au moment-là que en fait, j'ai eu vraiment aussi la sensation, quelque part, de mourir aussi, à plein de niveaux différents. Et qu'après, ça m'a libérée aussi, quoi, de plein d'autres peurs. Mais ouais, c'est vraiment oui, un deuil d'une personne qu'on a été, de comment on a fonctionné. Et quand il faut se reconstruire, ben moi, jusqu'avant, je pensais toujours, ben, je pense donc je suis, hein, le cogito ergo sum, le fameux. Donc, tant que j'arrivais à penser, tant qu'intellectuellement ça tournait, ben, paf, paf, paf, fallait enquiller, quoi. Et là, de fait de me retrouver complètement à terre, démembré, ben, il a fallu que je reparte ben, de ce qui était vivant en moi. Puis c'était mon corps que j'ai complètement découvert. Parce qu'avant, ben, le corps, il suivait, hein, il n'avait qu'à suivre le mental. Hein, puis point final, quoi. Puis là, je me suis réveillée un jour complètement disjonctée. Donc là, ben, faut repartir de la base, de la terre, parce que j'étais complètement déracinée aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui était fort. Donc, retrouver des racines, un contact avec la terre, avec le vivant autour de moi, pour retrouver ce qui était vivant en moi, quoi. Quelquefois, c'est dur à entendre quand on est dans le en plein, je dirais, dans cette descente aux enfers, mais par contre, après quelques temps, on peut mieux l'entendre. C'est quand même dire que c'est malheureusement, parce qu'il y a quand même un côté malheureux, un mal pour un bien. Oui, c'est sûr. Bon, moi je m'en serais passé, hein, parce que, enfin, c'est vraiment. Est-ce que c'est pas une manière d'apprendre Oui, une qualité? mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, j'essaye. Je peux pas dire que c'est encore une force, parce que c'est encore très fragile. Je sens encore beaucoup de vulnérabilité en moi. Puis là, bon, je suis dans une période de reconversion professionnelle aussi, parce que ce burn-out, ça a aussi mis le doigt sur. L'absurdité aussi de ce que pouvait être le monde du travail, de nos missions, des. Voilà. Et donc, je pense que, du coup, ça m'a forcé à me réaligner sur un certain nombre de choses par rapport à mes valeurs, à ce que je voulais faire, à quoi je voulais contribuer. Voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup d'humilité, aussi, je pense. Parce que maintenant, professionnellement parlant, ça se passe comment? En fait, donc après mon burn-out, j'ai changé de poste et du coup j'ai pris un poste où j'étais moins en situation de gestion RH, gestion financière et tout ça, gestion d'équipement. Donc du coup ça m'a soulagé de ce point de vue-là. J'étais plutôt sur un poste formation, consultant, accompagnement, ce qui m'allait très bien. Après, la fédération qui m'employait a été liquidée économiquement. Donc là, en février, donc j'ai été licenciée et actuellement, donc je fais des formations pour me reconvertir, peut-être m'installer à mon compte ou rejoindre une coopérative de formateurs. Je ne sais pas. C'est en cogitation. Voilà. Et comment est-ce que tu le vis, ce moment de, je dirais, de réajustement en quelque sorte? Ben, je le vis bien en fait. De toute façon, je me rends compte que j'aurais pas pu continuer autrement. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'instinct de survie quoi qui me guide et qui me. Et puis aujourd'hui, j'ai plus envie bah, de me foutre en l'air, ça c'est sûr. De gâcher ma vie puis de gâcher celle de mon entourage qui en a pâti aussi. Donc je pense que ça a remis d'autres priorités dans ma vie, quoi. Donc aujourd'hui, j'arrive quand même plus à prendre soin de moi, faire de la musique, du violoncelle, essayer de faire résonner des choses différemment. Et oui, je suis moins dans le faire, c'est sûr, hein, dans J'essaie plus d'être dans le ressenti, d'accueillir tout ce qui vient. Voilà, même si c'est plus la grosse artillerie d'avant, ben tant pis. Oui. C'est plus modeste, mais c'est à mon rythme. C'est surtout de faire des choses qui ont du sens, quoi. Ouais. Maintenant, moi, j'aurais envie d'avoir ton avis. Nous, en tant qu'association, on défend une cause qui est particulière, qui est que le burn-out n'est pas une maladie rattachée à l'individu, mais plutôt un accident d'un individu qui subit une situation. Entre autres, on dénomme le burn-out comme étant une pathologie de société, qui sont dues à quatre facteurs: le culte de l'urgence, le culte de la concurrence exacerbée, de la compétition et également la manie d'évaluation. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme avis par rapport à cette position que nous avons? Bah, moi, je vous rejoins complètement, hein. C'est vrai que dans un burn-out, on s'intéresse déjà aux fragilités personnelles. On se pose tout de suite des questions. Bah, pourquoi je me suis écroulée? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma santé, tout ça. Donc bon, ça permet de se poser des bonnes questions, des fois d'avoir des bonnes réponses, mais je pense qu'il faut élargir le cadre. Là, j'avais sous les yeux une phrase de Serge Tisseron qui fait bien écho à ce que tu viens de dire. Serge Tisseron, qui est un psychologue aussi très intéressant, et il dit: on est dans une société qui tend à confondre fâcheusement la santé des individus avec celle de la société. Et je pense que... Dans ce que tu dis, nous, c'est très important pour nous, en tant qu'association, de défendre ça, parce que ça change quand même, si tu veux bien, le paysage. C'est-à-dire que arrêter de dire que l'individu est en burn-out, non, il est victime d'un burn-out, c'est-à-dire qu'il est victime d'un environnement, la fameuse grenouille qu'on met dans la casserole et qu'on fait chauffer l'eau dessous et elle ne se rend pas compte qu'elle cuit. Donc on est dans une situation où, pour notre avis personnel, ça devrait être reconnu comme un accident professionnel. Oui, complètement. Ce qui voudrait dire que ça mettrait en cause les entreprises qui devraient, comme un chantier avec les casques, enfin, il faut faire attention quand on fait des échafaudages et autres, qui mettraient en cause, pour mettre en avant le fait que c'est la société qui provoque ces burn-out et non pas à l'individu d'être coupable. Mmh. Oui, même si je balaye devant ma porte, j'ai changé plein de choses dans ma vie, dans ma façon de vivre les choses, d'être au monde et tout ça, mais... j'ai lu aussi pas mal de bouquins, dont un de Pascal Chabot qui s'appelle Global Burnout, qui m'a vraiment passionné. Là, j'ai pris conscience que, mais oui, j'étais aussi dans un système qui m'allait pas. Tu parles d'accident professionnel, c'est presque un accident civilisationnel, quoi, parce que de parler de cette urgence, de l'évaluation. Un autre livre qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est de Hartmut Rosa, où c'est un philosophe allemand qui parle de l'accélération du temps et de l'aliénation aussi qu'il y a à ça. On est complètement aliéné, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, on perd pied, quoi, avec le réel, parce qu'on est dans une frénésie, une course-poursuite où tout perd son sens, hein. Là, j'entendais aussi un mot, il paraît qu'on est dans un monde VICA, je ne sais pas si tu connais VICA, volatile, incertain, complexe et absurde. Voilà. Donc voilà, on a le paquet cadeau là. Ouais, cool. Donc comment veux-tu, dans tout ça, avoir de la légèreté, de la joie de vivre, de la liberté? On est dans une forme d'aliénation, quoi. Et vraiment, donc aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est tout l'enjeu aussi de l'éducation populaire. C'est la famille qui m'a beaucoup construite, mais de dire comment on crée de l'émancipation dans cette civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, où les mots d'ordre, la norme, tout est fait, hein, toute la machinerie Internet, y concours, les téléphones portables, tout, c'est un piège. Hein. Mais disons, l'être là, humain, le piège, il est là. Sur la route de devenir un produit, une machine, un produit. On l'utilise comme une machine, mais ce qu'il y a aussi quand même qui est aberrant, c'est qu'une machine qui chauffe, on l'arrête et on attend qu'elle refroidisse. Mais un être humain, il chauffe, on continue à le booster. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on n'a pas de respect, même pas comme on l'aurait avec une machine, et pourtant on voudrait que l'être humain soit une machine. D'ailleurs, il y avait un scientifique, je ne pourrais plus citer le nom, qui lors d'un interview avait dit, il y avait la journaliste qui lui disait, mais en fait, quelle est la différence entre une machine et un être humain ? Et le scientifique a répondu, eh bien, écoutez, ce que je vais vous répondre va vous désarmer, mais en fait, la machine est fiable et l'être humain n'est pas fiable. Donc, on en arrive à un point de perfectionnement de l'être humain. Je pense que de toute façon, effectivement, actuellement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on aimerait parler de ce phénomène vraiment ouvertement, c'est-à-dire le dédramatiser pour le mettre au rang de, je dirais, un mal de société et alléger les individus là-dessus. Oui, bah oui. Déjà, éveiller les consciences et puis, se déculpabiliser, trouver de la liberté dans tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que j'entendais aussi beaucoup de choses autour de ça, de dire qu'on a transformé toutes les tâches, les missions professionnelles, les activités, on les a fragmentées, segmentées, de façon à ce que petit à petit, la machine puisse remplacer l'homme. Donc forcément, on a modelé les hommes, on a remodelé les activités pour pouvoir à terme les confier à des machines, mais cette phase de transition, elle est douloureuse et puis complètement absurde et destructrice pour les humains qui sont en poste et qui essayent de se dire, mais attends, il se passe quoi, et je suis écartelée là dans tout ça, et y compris, et là je pense que ça fait le plus mal, c'est dans des secteurs comme l'éducation, le social, la culture, où justement les valeurs, elles sont aux antipodes, et où le relationnel, il est sacrifié sur l'opérationnel, et ça fait mal au bide dans un premier temps, et puis ensuite ça a fait disjoncter la tête, quoi. Alors en conclusion, qu'est-ce que tu dirais de cette épreuve que tu as passée à d'autres, pour donner un message à d'autres? Souvent je me dis comment surtout prévenir ça, comment empêcher d'aller trop loin et de se faire trop mal. Moi, j'aurais pu aller encore plus loin, me faire encore plus mal, mais je me dis, waouh, j'ai quand même déjà bien casqué. Je sais qu'il y en a qui ont, qui se sont retrouvés vraiment à l'hôpital. Moi, ça n'a pas été mon cas. Après, je vois aujourd'hui, j'accompagne des amis qui sont toujours en situation limite de burn-out ou qui ont développé un cancer, c'est une autre forme de burn-out aussi. Quand le corps, il vient crier, il vient toquer à la porte en disant « ça suffit, j'arrive plus à suivre, c'est plus bon pour toi », le corps nous le dit. Mais ce qui est fou, c'est que c'est là où c'est vrai que c'est complètement ancré dans nos neurones, dans nos modes civilisationnels. C'est que bien qu'en discutant avec ces personnes-là, qui sont des amis, qui lisent des choses, qui font un travail sur elles-mêmes, qui sont conscientes de plein de choses... Je leur partage mon expérience, quand bien même, elles n'arrivent pas à arrêter, elles n'arrivent pas à ralentir, ou elles n'arrivent pas à dire, stop, je lâche prise, quoi. Et ça pose question. Moi, aujourd'hui, je me dis, faudrait une révolution culturelle, au-delà d'une révolution politique, bien sûr, mais déjà commencer peut-être par du culturel, ou une révolution spirituelle, j'en sais rien, en tout cas pour se donner la force, l'audace, la confiance, pour dire j'arrête là, du moins je fais pause, je regarde ce qui se passe, j'élargis le cadre, je re-questionne, et là, mais on est pris dans un engrenage fatal, quoi. Oui, disons, là, techniquement, d'après les études qu'on a fait avec la docteure Koifik sur le phénomène, il faut comprendre quand même une chose technique, c'est-à-dire que... les hormones développées en cas de stress constant chronique sont de l'adrénaline et du cortisol, qui effectivement sont, il y a un trop-plein et l'organisme ne peut plus réguler cet apport. Et il se passe un phénomène avant le crash, c'est qu'en fait, il y a une part d'addiction. Donc, il y a, comme dans toute addiction, un déni. Donc, en quelque sorte, tant que la personne n'a pas mis le genou à terre, elle est dans cette espèce d'addiction. D'addiction du mouvement, d'addiction du stress, d'addiction de c'est un peu comme le bruit. Il y a des personnes, elles arrivent chez elles, elles sont obligées de mettre la radio. Elles ne peuvent pas être sans bruit. Il y a une espèce d'addiction à un mouvement du cerveau qui fait que effectivement là, c'est difficile de dire à quelqu'un parce qu'il ne se voit pas comme tout addict. Et ça, effectivement, c'est une des problématiques. Alors, où je te rejoins, c'est qu'effectivement, si on ne mettait pas les personnes dans un stress chronique, ils ne seraient pas addicts à ça. Donc, effectivement, on pourrait réguler... quand on entend des gens qui sur leur bureau ont enfin moi je l'ai vécu aussi et je pense toi aussi, des tonnes de dossiers qui ont 6 mois de retard et voire plus et j'en passe et des meilleurs, enfin des choses qui sont on ne sait même plus par quel bout empoigner, entre l'urgent, pas l'urgent, tout est urgent, enfin bon bref, ce qu'il fallait faire hier. À un moment donné, effectivement, là, ces personnes-là, elles ne peuvent être que dans un stress chronique, c'est pas possible autrement. Donc, il y a quand même, effectivement, une part de l'entreprise de responsabilité. Parce que on diminue le personnel et on donne 3 fois plus de travail à une personne. Il y a une incohérence, là. Hein. Ou alors, une personne à un poste, comme tu dirais toi, à la direction, elle aurait besoin d'en tout cas minimum 3 assistants pour faire ce qu'on lui demande correctement. Parce qu'évidemment, si elle est en plus, je dirais, d'un caractère qui aime faire les choses correctement, elle va être d'autant plus stressée si elle n'arrive pas à les faire. Je pense que tu as connu ce genre de situation. Oui. Où on ne peut pas faire correctement les choses. Donc là, je comprends ce que tu dis, et on m'a souvent posé la question, seulement là, il faut prendre le phénomène de l'addiction. C'est visible. Toute personne à qui tu parles va dire « Non, moi je suis pas stressée, c'est bon, je gère. » Oui, moi je repense à plein d'amis même qui m'avaient alerté, ils me disaient « Attention, et j'écoutais pas, c'est une forme d'autisme, c'est assez effrayant, vraiment effrayant. » Oui, je gère. Et alors ce que j'aime, alors par-dessus tout, c'est les formations pour apprendre à gérer le stress. Alors, je trouve qu'on devrait les bannir, c'est honteux. On doit pas, ça ne se gère, c'est physique, ça ne se gère pas, on ne peut pas stresser constamment un être humain. Pour moi c'est antinomique, tu vois, de faire des formations comme ça, pour moi c'est antinomique, mais bon. Voilà, alors là maintenant je pense que qu'est-ce que tu voudrais rajouter aussi par rapport à d'autres personnes que tu as peut-être auxquelles tu penses. Les fameuses personnes que tu disais que tu essayes de... auxquelles tu essayes d'expliquer. Parce que ce qui est compliqué, parce que même, je pensais à une personne, par exemple, elle est à son compte. Donc, on pourrait dire, elle n'a pas de pression. C'est elle-même qui crée son travail, qui crée la quantité, qui régule la quantité de son travail et qui s'organise elle-même. Mais quand bien même elle est à son compte, on peut être quand même pris dans un burn-out. Parce que ça dépasse, en fait, ça dépasse son poste de travail en tant que tel. Tu parlais d'environnement et je pense que ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je me dis, même si moi, je m'installe, actuellement, je suis auto-entrepreneur, bon, voilà, c'est en transition, mais même si je m'installe à mon compte en indépendance, c'est pas ça qui va me protéger du burn-out. C'est vraiment, je pense que c'est la question du sens et la question... du contrôle, de l'accélération qu'il y a partout autour de nous, des comptes à rendre, enfin, l'absurdité aussi de certaines situations qui fait que on pète un câble, quoi. Oh là là. Mais c'est tout qui est comme ça. Je pense que on est en burn-out, mais pas que seulement le travail. Il y a aussi, il y a des choses, Bon, là, on l'a vu avec le contexte sanitaire, hein, mais il y a de quoi être aussi en burn-out par rapport à tout ce qu'on vit. Mais quand on voit notre système de santé ou quand on fait des démarches administratives quelconques ou l'éducation de ses enfants, il y a des choses qui nous passeraient absurdes. Ou, enfin, voilà, des démarches à n'en plus finir ou des évaluations... Même quand on prend le train aujourd'hui, on nous demande d'évaluer notre trajet après. Enfin bon, je veux dire, c'est qu'on est, on atteint des sommets quand même. Hein. Donc je me dis, c'est moi j'ai des moments aussi de gros cafards. Oui, quand je prends le train par exemple, même si j'adore prendre le train. Mais aujourd'hui, il faut montrer des passes, des ceci, des cela, se faire contrôler, les cartes, et la police ferroviaire, et le checking, et le machin, enfin... Et puis après, tu reçois un SMS pour te dire bah, « Est-ce que tu n'as pas oublié ton sac ?» Enfin, bon, voilà, je trouve que c'est difficile d'être insouciant, d'être léger, d'être confiant dans une ambiance qui essaye de tout sécuriser, de tout prévenir, de tout contrôler. Et voilà, je pense que... Oui, le travail cristallise ça, mais il n'y a pas que l'environnement de travail. Je pense qu'il y a tout le reste, quoi. La planète est en burn-out. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Sur l'alimentation, on peut... Enfin, tout, il faut faire gaffe à tout. Toute la journée, on dit... voilà. On est au bout des ressources, parce que le burn-out, c'est au bout des ressources. Ouais, hein. C'est donc, ça. On est ouais. au bout des ressources planétaires, on est au bout des ressources humaines, on est au bout des ressources telles... Enfin, j'entends, on est au bout de notre civilisation. Mmh. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle est mondiale. Oui. Parce qu'avant, bah, on pouvait être au bout de la Grèce antique, et on allait se promener à Rome, et puis après, les Égyptiens, enfin bref, c'était plus local. Là, l'inconvénient, c'est que c'est global. Donc effectivement, un changement, il y en aura un. Ça, c'est certain. Mmh. Et il faudra qu'il vienne par le bas. Par des gens qui, je pense, dans ce que tu dis, ce que je vois, moi, c'est que ce qui est essentiel, c'est justement... C'est se regrouper, créer des liens entre personnes qui ont cette vision différente pour arriver à faire des espèces de ce qu'on appelait des niches, hein, dans le culturel aussi, c'est comme ça qu'on dit des niches, parce que ça devient essentiel. Mais ouais, c'est marrant, ça me fait penser à une belle image que m'a dite mon père hier. Voilà, où pour se mettre en résonance, bon, je pense que le burn-out, ça a cassé un peu toutes les cordes à mon arc, un peu toutes les cordes qui étaient en moi. Et une corde, ben, c'est comme aussi une corde de guitare, pour qu'elle résonne, il faut qu'elle soit attachée à un bout et à l'autre. Et aujourd'hui, je pense que pour résonner à nouveau, il faut se relier aux choses. Il faut se relier aux gens, il faut se relier au vivant, à la nature. Parce que si on n'est pas relié, on ne peut pas raisonner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important de se relier au maximum de choses autour de nous. Et c'est aussi ça, dans les droits culturels, on dit la culture, c'est quelqu'un qui est cultivé, c'est pas quelqu'un qui a lu tant de livres ou qui a été visiter tant de musées, on s'en fout. Quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui a le plus de liens possible avec ce qui l'entoure. Et le lien, ça peut être une recette de cuisine ou un voisin ou un lien à la terre, un lien à savoir-faire, un lien à savoir tout court. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Pour se mettre à nouveau à raisonner dans un monde qui est quand même chaotique, multiplions les liens, quoi. Oui, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup, Marion, de ton témoignage. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, Catherine.